Salut, salut, salut, comme tous les dimanches soirs, c'est votre soirée rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. J'ai nommé Lost in Space sur Radioactive 100 FM. Après notre générique, à l'instant, nous allons attaquer avec un peu de musique rock'n'roll. À tout seigneur, tout honneur, c'est Guttermouth qui s'y colle avec A Nice Place to Visit. C'est parti! Thank you. compilation posthume pour les rockers danois de The Attacks, qui ont sorti en début d'année, donc pile poil 2 ans après le split du groupe, cette fameuse compilation qui s'appelle Strikes Back. 12 titres de rock cryptique dans la plus pure tradition crampsienne, comprenant les premiers singles, ainsi qu'une session enregistrée par le producteur de Brian Johnstone Massacre. Présence d'un clavier qui donne une bonne touche 60s pour mettre les oreilles en joie. Come on, be my zombie, babe. Après les Pavements à l'instant sur le 100 FM Lost in Space, c'est l'heure du premier live de l'émission et ce live ce sera Das Clown, groupe punk rock américain qui va être enregistré ici à Z en 1997, là pour quelques temps, et on se retrouve tout de suite après. Allez, Das Clown. I'm like a snake, I'll catch you on the backside. Like a fucking slippery motherfucking snake. I'll scribble out of the motherfucker. I drop a bomb with balloon. Hail to the bomb. Remember that one, man? Hail to the bomb. Have her had sex with a hammer. Alright, live from Zed Records in Long Beach. It's Das Clown! This is one fucking gig that I'm playing here that whoever fucks up this guitar player, I will have to personally kick the fucking shit out of you. But let's just have a good time here and let's not bump into the band. My buddy's recording this thing for fucking free, man. That means I can afford to put you in the fucking hospital. A clown, it looks like I wear a smile, but it's a frown. I'm watching the television, I'm thinking about you. There's me blowing up in the picture. I drug you. I'm coming back down for the crash, Lenny, but I forgot to bail out. I was soaring too high for the birds to fly. As I started to die, she cried. Starts to shake and then birds say, shut up. Your eyes started to twitch as you started to wake. There's someone on my roof, I think my life was a stick bigger. I'm coming back down for the crash landing, but I forgot to bail out. I was soaring too high for the birds to fly. As I started to die, she cried. It doesn't doesn't mean that you motherfuckers can't jump up and down or something. You know what I'm saying? This one's called Big Words. It's for, because God knows they know a lot of big words, huh? And it's obvious to me, and I think it's obvious to a lot of people, that those big words never meant fucking shit. And it goes like this. 2, 3, 4. Don't make a difference. You're gonna pay for your favorite color. Your favorite color.

possibly want to take your life. Time to take control, tell them where to go. There's no room for shame, there's no room for pain. This ain't what I wanted, this ain't what you thought. This is not the answer, in your grave you're right. Time to take control, tell them where to go. There's no room for shame, there's no room for pain. This ain't what I wanted, this ain't what you thought. This is not the answer. All these one-track motherfuckers want to rule your trip. Call it murder, say it's wrong, and on your head they shit. But they would rather see that child grow up in the street. A poverty and foster care will make his life complete. This ain't what you thought, this is not the answer, this has got to stop. This ain't what I wanted, this ain't what you thought. This is not the answer, this has got to stop. Situation came unsighted by so much but such bad timing in this sense. Don't be a thing, don't be you pay, it's highway robbery. Sick and grief for broken dreams, take it deep without no grease. Fingers pointed, bring a sharp and turn your back and you'll be sorry. Like a victim turn, so wasted dream, then life is made objective. It went down, I was there, you tell your side, but they don't care, you scream and yell, it ain't fair. Run away, they'll find you, forget about what happened, forget about what caused it, or somebody tell me the truth. Oh, that's not enough, man. Oh, it's making me ill. It's highly unlikely, but this vision is real. Sick and grief for broken dreams, take it deep without no grease. Will somebody show me some proof? Will somebody tell me the truth? Won't somebody show me some proof? Won't somebody tell me the truth? Won't somebody show me? My time bomb ticking to Long Beach, time bomb way to home. My time bomb ticking to your street, time bomb ready to blow. Time bomb in an office, time bomb set in a mall. The time bomb sleeping in your bed, time bomb ready to blow. Attention's horizon, time bomb ready to go. Steam building eyes closing, time bomb way to blow. Veins popping, heads dropping, time bomb ready to go. Sweat breaking, head shaking, look out, it's gonna blow. Time bomb set in TV, time bomb set in parade. A time bomb set in orphan, time bomb taken away. The time bomb in elevation, time bomb set in train. A time bomb sleeping in your bed, time bomb blade away. Emotion explosion, time bomb way to blow. Threat to society, time bomb way to go. Veins popping, heads dropping, look out, it's gonna go. Veins popping, heads dropping, look out, it's gonna blow. Time bomb, a time bomb. Yeah, that's for Long Beach. What you need. walls are big and everyone hates you. The things you say are the games you play. But it's getting old, so in here and I gotta burn. Looking for your speak or asking for the man. You're jumping on my case for it, I don't understand. I'm coming down, relax, I hope you better chill. Open up that mind of yours and take the yellow pill. Blaze out, blaze out, blaze out. Blaze out, blaze out, blaze out. This one's for Secret Hate. It's called Die With Your Fucking Boots On. Unlike a lot of these motherfuckers. Die with the boots on, die with the boots on, die with the boots on, die with the boots on, die with the boots on, die with the boots on, die with the boots on, die with the boots on. Hard, gonna do it the right way, not fall for the shit I wanna do it correct. I wanna knock down the walls, gonna build me a mountain. Live in the now, let me with respect. Die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on, die with your boots on. Run, you can hide, one day they will find. You're gonna see who you are, they're gonna laugh in your face. You're the pick of the week, you're heartless and stupid. Lie to them all, never see your fate. I know time to change it, you went off the deep end. You opened your mouth and you stepped on your tongue. Wish you were different, wish you could wake up. And you made your bed and integrity's gone. Die with your boots on, die with your boots on. Die with your boots on, die with your boots on. Die with your boots on, die with your boots on. Die with your boots on, die with your boots on. Do it my own way. one's for Heaven's Gate. And I hope to God they fucking made it. Vous êtes toujours sur Lost in Space, Radioactive 100 FM en ce beau dimanche soir. Le live de Daskland s'achève à l'instant. Nous allons continuer avec séquence plus littéraire, avec des extraits du roman de Serge Quadrupani, un des tout meilleurs auteurs de polar français, roman qui s'appelle Saturne. Mais avant, on va voir aussi de la scène française avec Pierre et Bastien qui vont chanter Journal. Je t'ai ce gamin et l'autre. D'un coup, l'homme se dresse sur son séant, une main sur la gorge, l'autre sur la poitrine. Il halète. Autour de lui, l'âne s'est relevé, il s'ébroue, le lapin qui a fui à quelques mètres de là pose le museau sur ses pattes avant. Le chat tombé sur le pré arque le dos et bâille. Le chien décrit un, deux cercles et pointe la truffe vers l'homme, guettant ses mouvements. L'âne gris, le chat noir, le lapin blanc et le chien fauve regardent celui qui les a réveillés. « Excusez, » marmonne-t-il. Avec des soupirs d'obèse, il se hisse à la verticale, frotte sur sa cuisse une paume maculée de terre, la passe sur ses cheveux blancs coupés courts et plonge la main dans la poche de son pantalon de velours côtelé. Il en ressort un téléphone mobile, compose un numéro. Il attend, ses yeux plissés orientés sur les lointains toscans. Ça sonne. Longtemps. Enfin, un répondeur se déclenche. « Simona, dit-il, c'est Aldo. Tu dois être encore en train de courir après tes mafieux. Mais j'ai quelque chose pour toi, très important. Il faut que je te parle, d'urgence. » Il hésite une seconde avant de terminer sa phrase. « Je viens de faire une sieste intéressante. » Puis il raccroche, compose un autre numéro en tenant l'appareil au creux de la main gauche. Tandis qu'il attend que son correspondant décroche, la main droite cherche machinalement quelque chose sur son côté droit à hauteur de la ceinture. Puis elle renonce. Voilà un moment qu'il ne porte plus de pistolet. Why my cause of bruise now spears my à quelques kilomètres de Limoges, au-dessus d'une campagne moins universellement célébrée que la Toscane, des nuages gris et noirs qui s'entassaient dans un coin du ciel depuis quelques minutes viennent de s'y déployer d'un coup sans qu'un brin de vent ne soit passé sur la terre. À peine 300 mètres au-dessous des nuées, la chaleur immobile croît encore à l'intérieur du manoir fin 19e, au sommet d'une colline. On a fermé les fenêtres en attendant l'orage et les convictions du maître de ces lieux. Cheveux longs, noirs impeccablement peignés, costume de lin froissé, chemise à fines rayures taillée sur mesure dans une boutique de Kensington, mocassins fabriqués dans le nord-est italien, lui interdisent le recours à l'air conditionné. C'est pourquoi il transpire beaucoup dans la bibliothèque, où il est en train de lire dans le Financial Times une interview de son patron. Car le maître de Séan, comme beaucoup de maîtres, a encore un maître au-dessus de lui. Ce qu'il lit en anglais, son cerveau le traduit en français, parce que c'est en France qu'il se trouve, en Limousin précisément, mais il pourrait tout aussi bien le traduire en italien ou en d'autres langues plus exotiques. L'un des signes distinctifs de sa caste, c'est la polyglottie. Ce qu'il lit fait froncer ses sourcils très épais et très noirs. Thank you. Orgone à l'instant sur le 100 FM radioactive, c'est toujours Lost in Space. Après un peu de littérature polar avec Serge Quadrupani, on va continuer notre exploration de l'histoire du rock'n'roll. On revient à nos amours, les Slits, avec encore une fois une continuation de leur histoire racontée toujours dans le bouquin qui s'appelle Les filles atypiques, sorti aux éditions Ritrut. Certains se demandent encore si la personne en question aurait pu être Joe Strummer. D'autres imputent cela aux journalistes qui ont chroniqué le concert et n'auraient pas été impressionnés par la présence scénique de Kate. Et Palmolive, ayant hâte de voir le groupe progresser, aurait pris ses articles trop à cœur. Kate continue. Strummer était gentil. Il essayait d'obtenir un concert à n'importe laquelle de ses amies jouant dans un groupe, car il aimait être vu comme étant derrière les femmes dans la musique. Mais cela aurait tout aussi bien pu être lui qui a dit « Elle est merdique, débarrassez-vous d'elle ». Car il a fait le même coup avec Ramona dans les Modets, le groupe de Kate après les Slits. Mais il y a bon nombre de personnes qui auraient pu l'avoir fait et je doute qu'il eût voulu en porter toute la responsabilité. Il y a des gens qui vous prennent à part pour vous dire « Vous devriez vous débarrasser d'une telle ou d'un tel ». Le problème est que les gens les écoutent et c'est là que les ennuis commencent. Mais Palmolive devait peut-être simplement se débarrasser de moi parce qu'elle avait trouvé en vive une personne plus viable. Je ne sais vraiment pas. Bien que ce soit un choc pour Kate, ce changement est finalement une bonne chose. S'ensuit une tournure des événements un peu surréaliste. Kate est abasourdie quand, après l'avoir mise dehors, Palmolive lui propose d'être manageuse. Kate continue. C'était la bonne décision, même si c'était pour de fausses raisons. Mais directement après m'avoir dit que j'étais virée, Paloma m'a demandé si je voulais manager le groupe. N'importe comment, je n'allais pas jouer la maman pour un groupe d'artistes givrés. Et je n'avais pas suffisamment de détermination pour promouvoir un groupe. Off feet, as soon as you sit still, you start tapping your feet. Ho! you sit still, you start tapping your feet. Up and beat on a bus, come by yourself on a bus stop. And beat with the train, and even more on an underground station. Silence! Silence is a rhythm too. The climate is rhythm. You feel it. it, and you see it, and you hear it in rhythm. East and west and north and south and all dimensions is rhythm. Nation by that's natural rhythm. Different from factory, song, machine, a plastic rhythm. Avec le recul, Palmolive se sent confuse au sujet du renvoi de Kate. Ce fut une décision difficile à prendre, Kate était une fille loyale, alors je suis partagé à ce sujet. Ce n'était pas sympa de lui faire ça, mais d'un autre côté, j'ai pensé que Vivienne était plus apte pour ce rôle. C'est comme ça qu'on fonctionnait. Pour beaucoup de gens, c'était primordial d'avoir une bonne image, et c'est ce que nous avons fait, mais je n'en suis pas fier. This first session from the Slits was recorded on September the 27th of 1977, and I'm going to play you Vindictive first, which is written by Harry, and what was I going to say about it? It says at the bottom of the sheet here, it says, the Slits play slit rock, and I think the problem is that they don't play it often enough. Despite the fact that that was never released officially, you can still hear echoes of it, and a great many records that have been released since then. Those are The Slits and Vindictive. And the next one from The Slits is Shoplifting, which was co-written or written by Palmolive, now a Raincoat, and Working. En toute honnêteté, Kate s'était déjà préparée à bouger d'elle-même. En dehors des Slits, elle pouvait voir que le punk devenait déjà une tendance, attirant de plus en plus de gens désireux de suivre le mouvement. Palmolive avait de l'ambition pour les Slits, mais en définitive, Kate voulait quelque chose de différent. And that's another one written, ironically enough, by the discarded Palmolive. Those are The Slits from 1977 and New Town. And the first from the Slits, from that classic session, which was recorded on, if you want to know the exact date, consult a piece of paper. And it's the right piece of paper as well. Monday the 19th of September 1977. And I think of all the sessions we've broadcast over the last 3 years, this is probably the most requested. And this is the reason, of course, that we're rebroadcasting it, in addition to the fact, of course, that Walters and myself like it a lot. The first from the session, Love and Romance. That's the 1977 style Slits, when they were actually an all-female band, and that's called Love and Romance. And the forthcoming LP cut, well, we've already played you 3 tracks from it, and as soon as we get hold of the other tracks, I'll play you those as well. I mean, provided they're good, of course, and I have no reason to doubt that they will. Although I must confess that on the evidence of the session and of the tracks we've heard from the LP, I prefer the Slits as they were, but that's perhaps rather retrogressive. Is that the word I want? Love and Romance, à l'instant, sur une pile session, sur le 100 FM. C'était donc les Slits et leur histoire. Nous allons continuer donc en musique cette soirée que l'on passe régulièrement tous les dimanches ensemble, avec quelques petites incursions auprès d'une personne qui m'est très chère, qui s'appelle FJO 100, poète, journaliste, enfin pas journaliste justement, poète, musicien et cinéaste. Son prochain film va bientôt sortir, ils sont au montage, il s'appellera 9 doigts. Et là on le retrouve dans des extraits d'une émission de France Culture qui s'appelait L'Atelier Intérieur. Ça va donc entrecouper, comme des virgules, la suite de l'émission musicale que vous connaissez tous, Lost in Space, et qui continue maintenant avec Beat Happening. We'll be right back. suffering does commence. Jolly Roger, run up the mast, and the sentence of love is grand-père m'avait vraiment prédestiné à la médecine, puisqu'il était médecin. Et donc j'ai passé vraiment les premières années de ma vie avec lui. Et donc c'est quelqu'un qui était d'une autre génération. Donc c'est pour ça que j'ai dû, sans doute, été toujours un peu décalé, puisque c'était quelqu'un qui avait passé quand même presque 10 ans sous les drapeaux, entre la conscription, la guerre de 14, la reconscription en 40, et qui était médecin militaire, enfin médecin, pas militaire, mais qui donc... Et très vite, j'ai eu une passion qui m'est toujours demeurée, disons pour les années 20, quoi, que ce soit Arthur Cravande, Jacques Vacher, Rigaud, aussi bien que le cinéma qui me paraît vraiment être dans une pure exaltation dans ces années-là. Si bien que les gens du grand jeu, Roger Gilbert Lecomte, Artaud, enfin tout ça. Donc, non, j'aurais pu devenir une espèce d'étudiant éternel. On peut rester, disons, au bord de la société quand on est jeune. Après, ça se complique, donc il faut trouver des motifs. to the broker, the nurse and the trunk.